Je suis dans la maison et c'est crade. C'est sale à fond. Ils sont malades. Et dans la cour, c'est le bordel. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. Dans la cour, c'est encore pire. Je regrette. Franchement, il n'y a pas un rire. Ils sont bêtes. C'est bien la maison d'Isabelle. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. On a mal fait de déménager. Ouais, c'est clair. La boue, la fleur fanée, j'ai les nerfs. Et la maison n'est pas belle. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. Berk, berk, berk, c'est trop dégueu. Berk, berk, berk, je vais foutre le feu. Berk, berk, berk. Berk, berk, berk. Berk, berk, berk. Berk, berk, berk. Et voilà.